www.emerical.com. Salut, c'est Emerical. J'ai participé au festival Vue sur la Relève 2010 et l'expérience a été marquante pour l'avancement de ma carrière. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, DJ, cirque ou autres arts de la scène? Propose ton spectacle prêt à être diffusé et prends la chance d'être sélectionné pour la 16e édition du festival. Présenté par Loto-Québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 5 au 23 avril 2011. Les dossiers sont acceptés en ligne jusqu'au 27 octobre 2010 à vuesurlarelève.com. Bonne chance! Appel aux groupes et musiciens du Québec. Les salons de la musique indépendante de Montréal et de Québec sont en période d'inscription. Une occasion unique de te faire connaître et reconnaître au cours d'un concert vitrine professionnel. Les SMI, c'est aussi des conférences, des ateliers, une inscription pour deux événements et une seule adresse à retenir. Le www.salondamusique.ca. Jusqu'au 25 septembre. La rentrée est arrivée, mais l'été n'est pas terminé. Le pique-nique électronique se poursuit tous les dimanches jusqu'au 3 octobre pour vous faire danser au son des meilleurs DJ de la scène locale et internationale. La fin de saison sera haute en couleurs avec des DJ attendus dont Popoff, Rivastar, Josh Wink, Swayzak et plusieurs autres. Pour la programmation complète, visitez lepiquenique-électronique.com ou téléchargez l'application mobile sur votre iPhone. Tous les dimanches jusqu'au 3 octobre à la place de l'Homme du Parc Jean-Drapeau, c'est le pique-nique électronique. Écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonjour tout le monde. En manchette ce soir, Bruno nous fait dire de pas s'inquiéter, il est en train de s'en venir. Ça confirme qu'on est à solide 70%. Quand la cloche sonne, c'est qui donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bon bon bon fort, chaton et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Ah, ok, d'habitude, non, les plus vieux jeux, ils sortent pas, tu sais. Aucun nom. Au canon, les plus vieux, ils ressortent pas. Non, les plus vieux, on parlait de jeux vidéo parce qu'on va étudier tout à l'heure un jeu vidéo de Bible. Oh. Le deuxième de ma collection. Excellent jeu, je le confirme. Oh. Je viens de l'essayer puis j'ai trippé. Tu te sens-tu un petit peu plus endoctriné? Hein? Tout à fait. Tout à fait, ça. Si on peut pas l'être un petit peu trop, là, t'es un petit peu à studio. C'est... Non, ça, c'est vous autres. Ça, ouais. Ça, c'est tu moi, c'est écouteur régie, c'est moi ça. C'est parce que c'est un petit peu fort dans mes oreilles, là, ça reste 70%. Bonjour, c'est Tommy Godette au micro. Vous avez entendu Israël Trudel-Denis nous dire qu'on était pour parler de jeux de Bible. Ouais, ben plus précisément de reggae. De reggae, jeux de Bible et reggae. C'est... Je vais vous parler de mon aventure de cet après-midi quand j'ai testé un dépliant pour le gouvernement. Sais-tu quoi la différence entre un bon jeu de Bible puis un bon reggae? Non, je ne sais pas. Il n'y en a aucune. Les deux sont bons. Moi, je dirais que c'est impossible, mais en tout cas. Hey, toi, Étienne, y a-tu un nom à ton spécial de la journée? Oui, puis tenez-vous bien parce que ça va être extrêmement souffrant cette semaine. Aujourd'hui, c'est mon spécial Dance Mix. Right. Il va-tu avoir du D-Noy? Il va avoir toutes sortes d'affaires. D-Noy. Daniel D. Noyer. Ben oui. Non, il n'y aura pas de Daniel Desnoyers. Il va y avoir Bruno aussi, il nous a fait dire de ne pas s'inquiéter. Puis ouais. Julien Bernatchez m'a dit qu'il devrait passer plus tard. Là, on sait qu'il y a son cours le lundi, mais ben qu'il nous aime bien gros. On salue tout le monde qui sont dans son cours, puis qui nous écoute sans doute. Et voilà, sûrement qu'il nous fait de la pub tout plein. En background, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a conseillé d'amener Uranus. Ah! Moi, j'aime mieux le son de Jupiter. Ouais, Jupiter est plus flyé. Peut-être qu'on va se promener de une à l'autre, là. En fait, c'est un enregistrement de, tu sais, mettons, les ondes électromagnétiques, c'est aussi du canal radio. Le canal radio, pour être capable de l'entendre, il faut avoir une radio, mais il y a des ondes radio qui se promènent partout autour de nous autres. Mm-hmm. C'est un petit peu la même affaire qui sort d'Uranus, c'est-à-dire c'est une onde électromagnétique, et puis la NASA, ben, avec des capteurs différents, puis leur radio à eux autres, mais sont capables de transformer une lumière en son. Parce que dans le fond, ce qui vient d'Uranus, ça peut pas être du son, parce que l'espace, c'est vide. Mm-hmm. Fait que c'est comme l'Amérindien qui met son oreille. On fera le tour des planètes entre chaque... Ben oui, puis sinon... On peut faire le super joke, « We're listening to Uranus ». Ouais. C'était peur, hein, un peu, Uranus. Il y a Jupiter aussi qui est très épeurant. Elle est assez cryptique, en plus, Uranus, là, avec son espèce de couleur de zombie mal vieilli. Je trouve ça reposant. La grosse, puis tout. En fait, Uranus, c'est quoi? C'est l'avant-dernière planète du système solaire. Ouais. Avec Pluton, qu'on l'a bombé Pluton, voilà. Ben oui. Mm-hmm. Tout le monde a monté d'une shot. C'est la dernière géante gazeuse à avoir un centre qui est chaud. Il y a une géante gazeuse avec un centre chaud, ça veut dire qu'il y a un petit peu de plasma, là. Je pense à un centre croquant chocolaté, c'est celle-là. Non. Ça doit plus être Neptune, parce que ça, c'est une géante gazeuse avec un centre. Le planétarium, qui... là, on se donne envie. Ouais. On l'avait beaucoup aimé, Pierre Chastanet. Qui... J'étais pas là dans ce temps-là, tu vois. Si on l'invitait, là, il y aurait du nouveau. C'était before. In the summer days. Okay. Hey, parlant de ça, moi, le film d'aujourd'hui, c'est Judge Dredd. Eh oui. L'excellent Judge Dredd. Je vais vous lire ici un petit commentaire que j'ai trouvé sur le Facebook de l'event du visionnement de ce soir. Il y a des gens pas contents. Hein, ben oui, il y a Jason K ou J. Case, là, je sais pas comment il aime mieux que je fasse ça subtil, là. Mais il dit « Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation que le juge Dredd ne fait pas réfléchir. Au contraire, le film est basé sur ce sens commun dans notre société qui dit que ce qui est perçu comme immoraux, les crimes doivent impérativement être abattus, emprisonnés, etc. » C'est une vermine qu'il faut purger. Et lorsqu'on a des doutes, il ne faut pas réfléchir. Il faut simplement se dire que c'est la loi. Et boy, hein, c'est la prémisse de base du juge Dredd, juge et exterminateur. Et puis, ben, c'est dans son essence même douteuse. Ouais, t'es un petit peu d'accord? Police, jury et bourreau, je pense qu'il lâche. Oh, ouais, il y a tout, là. Ah ouais. Je pense que le législatif est... C'est Bruno Corbin. Il avait raison quand il disait qu'il fallait pas s'inquiéter. Moi, je commençais à douter, puis j'avais le goût de m'inquiéter, mais non, il est arrivé juste à temps. Le législatif et l'exécutif devraient nécessairement pas être capables de se parler trop l'un l'autre. Là. Non, tu trouves être la même personne. Ouais. Il y a une raison pourquoi ça s'est séparé. Ouais, c'est dans le futur, en tout cas, c'est dans le monde d'un autre moment donné. Pour commencer l'émission de ce soir, peut-être que Bruno, il veut nous garrocher un mot, là, il va choisir son micro, c'est-à-dire le numéro trop. Trosse. Ouais, ben, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était difficile d'être un musicien professionnel avant d'être obligé de voter 400 fois pour mon vidéoclip sur le site de Musique Plus. Pour monter en cinquième pouce. Correspond grande responsabilité. On le dira jamais, ça. Moi, j'ai été voté une fois. Ah, moi, j'ai passé un 15 minutes, là. OK, ben, ça veut dire qu'il n'enregistre pas le IP? Non, il n'enregistre pas le IP. Ben, non, c'est super bien fait. Chers auditeurs de 70%, vous pouvez aller sur le site de Musique Plus, aller voter pour le site des incendiaires, plutôt. Ouais. Amant d'immeubles. Agent d'immeuble. Le nombre de fois que vous voulez pour ce que... Amant d'immeubles. Ah ouais, c'est ça, long. Excuse-moi. Pour que Bruno ait peut-être un avenir. Ouais. Qu'on l'entende plus, ça. Ouais. Faites-vous plaisir. Fait que ça commence fort à soir. C'est Uranus en background, Bruno en éditorial, et puis on a l'excellent. Check bien ça. C'est MCK, parce que moi, le monde, des fois, il m'envoie des affaires un petit peu spéciales. Ça s'appelle Steal des quilles. Je la trouve très touchante. On est à 70%. On commence solide avec Steal des quilles et MCK. Sa mère est bien fière de lui. Ça va tout casser. Yo, yo, ici MCK. Je rentre tout le monde à l'identité. Ils tirent des kills, tirent des kills. Je suis devant des criminels, je que les polices me veulent. Car ma conscience me bat, je forme sa corlisse de yeux. Moi, il faut de la merde, parce que moi, je choke jamais. Je me sortirai avec la bière, peu importe où jamais. Fuck les bomb rush, on vit dans ce monde crush. Moi, je tire des kills, steal des kills. Je lave ton fucking brain, tout steal des kills. On vient pas dans le backstop, mets la vie dans ton manteau. Par un run avec ton gear, on est un peu débile manteau. Mais je suis sur surveillance, le lendemain, ma face à l'affiche. Si t'as cagoule, tu veux pas avoir ma fiche. Fuck les bomb rush, on vit dans ce monde crush. Moi, je tire des kills, steal des kills. Je lave ton fucking brain, tout steal des kills. fuck les grammes. Y'en a qui fuck nos deals, y'en a qui fuck des pires. Moi je steal des kids, c'est l'épicerie, les dépanneurs du chemin Gascon. Si les caisses ils veulent du beef, on va montrer au gaz qu'on a. Une coupe de Pat McCrunk sur le corner. Sur le corner. Que je baisse pas, je saute dans le deb, je m'inspire. Steal des kids, c'est ça que mes mains s'faire. M'dit qu'elle apparaît, c'est une salope de merde. Qui dit je suis mal élevé, c'est une salope de merde. La soir j'ai fucking froid, j'ai drunk en 6 mois. Les gens mon estomac, qui me dit merci de boire. Fuck les bomb rush, on vit dans un monde crush. Moi je steal les kids, steal les kids. J'lave ton fucking brain, tu steal les kids. Back in the day, j'faisais pas ça avant. Tu me dis que c'est inutile, ben au pire j'l'avance. Comme j'emmerde à caissière, si elle me dit, mais t'es gay là. Qu'est-ce que ça veut dire un petit gay, Mr. Crump Killer. Fuck les bomb rush, on vit dans un monde crush. Moi je steal les kids, steal les kids. J'lave ton fucking brain, tu steal les kids. Bon, ça me coûte que dalle, parce que j'steal les kids. T'es à jeun, moi j'suis drunk, so explique j't'ai kill. Bon, ça me coûte que dalle, parce que j'steal les kids. Au cours du troisième millénaire, le monde changea. Le climat, les frontières, tout fut bouleversé. Notre planète se transforma en un désert brûlant et toxique, appelé Terre de Malédiction. Par millions, la population s'entassa dans quelques mégapoles où des hordes errantes de sauvages urbains faisaient régner une violence que le système judiciaire ne pouvait endiguer. La loi telle que nous la connaissons fut emportée dans la tourmente. Du pourrissement naquit un ordre nouveau, une société dirigée par un nouveau corps d'élite qui avait le pouvoir de dispenser aussi bien la justice que le châtiment. Les membres de ce corps étaient à la fois policiers, jurés et bourreaux. C'était les juges. Si vous le permettez, on va faire un petit spécial, là, vu que je n'ai pas parlé la semaine passée et que Bruno n'est pas là pour nous commencer ça avec des nouvelles. On va parler du film. Là, je suis inquiet, là, il était là tantôt. Oui, il était là, mais il fallait dire de ne pas s'inquiéter. Il est parti faire pipi. Ah, est-ce que tu viens de toucher à ton pénis, Bruno? Les gens à la maison, on appelle. Je me suis pas lavé les mains. Et voilà. Non, puis là, on l'écoute. On vous rappelle que vous n'avez rien à craindre puisque c'est de la radio. De toute façon, s'il y a quelque chose, on devrait se laver les mains avant de faire pipi. Ah ouais? Ouais. Ben, parce que tu passes des maladies à ton pénis que tu as touché dans le métro puis tout, à la place de donner des maladies de pénis. Ah, la perte de temps, là. Calice. Parle-nous d'autres du film. C'est moi qui me pose la question, si je réponds. Ouais, on va pas. Ben, non, non, non. Donc, Juge Dredd, on en parlait un petit peu pendant que c'est Uranus. C'est vraiment perplexant. Uranus, c'était vu comme la source de la magie par les Grecs. On s'en fout un petit peu, là. OK, donc, Juge Dredd. Ouais. Après ça, je fais du name-dropping, check bien. Okay. Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, Brian Talbot. Moi, je veux pas faire mon fraîchier, là, mais trop tard. De mémoire, j'ai passé le début de mon adolescence à les lire. Tous ces gars-là ont commencé chez 2000 AD. C'est une revue anglaise de science-fiction créée en 1977 autour d'un personnage franchement impressionnant, le Juge Dredd. À part Juge Dredd, il y avait dans 2000 AD le forcené. Ça, c'était un gars là, qui s'était fait tuer toute sa famille durant une hypothétique invasion de l'Angleterre par le Troisième Reich. Et puis là, ben, après ça, il décide de défendre son pays avec ses tripes, son langage 18 ans et plus et son 12 à pompe. Ben, c'est pas vraiment à pompe, là, tu sais, c'est la version que tu leur lèves, là, tu t'en mets deux dedans, là, puis à cheville, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, là. Et puis, ben, je me souviens aussi de Moteurs et dinosaures, ça, c'est le plus cool, ça racontait comment l'humanité avait été la cause de l'extinction des dinosaures en inventant le voyage à remonter dans le temps pour aller se nourrir à même des animaux qu'on savait qu'ils étaient condamnés. C'est pas pire, hein? On savait qu'ils étaient condamnés parce qu'il n'y en avait plus aujourd'hui, puis qu'on était allés dans le passé. Fait qu'ils sont allés dans le passé les tuer, mais ils savaient que c'était à cause d'une météore, fait qu'ils se sont dit, tant qu'à les laisser tuer par le météore, on va aller les tuer puis les manger. C'était peut-être à cause du fait qu'on était allés dans le passé aussi. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pétrole? Je sais pas, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, mais après ça, les dinosaures, ils n'avaient pas pour menacer les petits rongeurs pour qu'ils deviennent encore plus petits, pour que ça devienne les lémurs qui sont devenus les singes, qui sont devenus nous autres. Ouais. Oh fuck it. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'était hot. En 1987, par contre, 10 ans après la naissance de la revue, la popularité du juge était telle que l'on envisagea la création d'un mensuel complet en son honneur. Et puis c'est là que naquit la version compilation traduite auquel j'ai eu accès à la bibliothèque de Sullivan. C'est en 87, là, j'ai à peu près 10 ans. En 90, le mensuel Juge Dredd voit le jour. C'était logique pure et simple que d'en faire un sujet d'un long métrage avant longtemps. chose qui échoue à Danny Cannon en 1995. Un réalisateur anglais, des écrivains anglais, un budget américain, une star américaine. Tout y était pour faire un classique. On va continuer un petit peu plus tard. Je pense qu'on va en mettre une autre séquence du film. Là, vous avez compris le speech. Hein? Vous avez compris comment que c'est des enjeux importants parce que c'est dans le monde futur du post-apocalyptique, de l'enfer démoniaque, du avant-demain, là, pis tout. Là. Les sauvages urbains. Les sauvages urbains, c'est... C'est les pires sauvages. Là, il y a des méchants, ils sont barricadés. Juge Dredd arrive sur sa moto. En tout cas, c'est pas... C'est vêtements match, là, la toune a rapport. Il est complètement irradié. Ils vont le tirer comme un pigeon. Et il sait très bien ce qu'il fait. La loi, c'est moi. Et l'ordre. C'est moi. Toutes les armes doivent m'être remises. Tous vos quartiers sont en état d'arrestation. Première et dernière sommation. C'est le juge Dredd, les mecs. Hé hey, tu veux vraiment avoir les miches à zéro? Moi, je vais te les mettre. Mais aide. Je sais. Je vais agiter un drapeau blanc et je vais me rendre. Et ça va le prendre par surprise. C'est pas une bonne idée. Hé, hey, Dredd! T'as qu'à venir nous chercher! Ah, il est connu en plus, hein? Ouais, c'est Dredd, c'est le meilleur. Ne vous exposez pas! Il tire des mini-roquettes artisanales de calibre 20 à 300 mètres. Leur champ de destruction effectif est de 200 mètres. Destruction effective. Donc vous ne risquez rien. Alors, je peux savoir ce que vous faites là-dessous, juge Archer? Nous attendons l'arrivée des renforts. Ils sont là. En avant marche. C'est lui, les renforts. On fait pas de fioriture. En file indienne, on se relaie dans l'ordre. Hein? Je passe en tête. Ouais, ok. Grenade. Grenade. On se retrouve au quartier métal. Quoi? Trouve-moi des munitions. Soyez patient et bien disposé envers votre prochain. Prenez les produits possibles. Donc ça mitraille, j'aime ça, moi, les séquences de mitraillettes à radio. Je trouve que c'est romantique. Je me laisse bercer. Hein? Fait que là, le juge, il arrive par le plancher. Là, le monde crie après à place de tirer dedans. Checkez bien ça. Cette pièce est désormais pacifiée. Comme dans Poltergeist. Oh oui, traduction, j'ai tué tout le monde. Cet endroit est saint. Puis là, ben, le rookie vient de se faire tirer. Il a pas écouté le juge Dredd. Il était trop pressé. Préparez-vous à être jugé. Jetez vos armes. Là, si tu touches au gun de juge Dredd, tu meurs parce qu'il est piégé. Je vais avancer ici à 10 minutes 30. Écoutez bien ça. Code municipal mégacité, article 213. Destruction volontaire de biens immobiliers, 2 ans. Article 310, détention illégale d'armes d'assaut, 5 ans. Article 450, résistance aux forces de l'ordre, 20 ans de réclusion. Ah! Merci, Archer. Et article 3613, meurtre avec préméditation d'un juge de ville. Laisse-moi deviner, la vie. La mort. C'est drôle que ce soit l'article 3613. Ils ont pensé à ça bien loin. Hey, attends, s'ils essaient de nous tuer. Mais ça, il faut pas qu'on meure. Hey, c'est bon que tu nous ramènes sur Terre, mon Étienne, parce qu'on y restera pas longtemps. On va aller en dessous de la première croûte pour tranquillement, profondément. T'as-tu entendu ça? C'est son spécial Dance Remix. Oui, ça sera pas facile aujourd'hui. Mais avant de se lancer là-dedans, j'ai une affaire à dire que j'ai été surpris de découvrir. Vous vous rappellerez peut-être que la semaine passée, ou l'autre, en tout cas, je sais plus. J'ai fait jouer cette chanson-là, qui s'appelle « Mon amour, Patricia oui. » par Claude Seller, où ce que je disais, c'est qu'il était très intense, surtout quand il disait le nom de Patricia. Je vais avancer un peu. Dans mes bras, Patricia. Il est de même tout le long. Mon amour, Patricia. Là, j'ai fait quelques recherches sur ce gars-là. Imaginez-vous que vous le connaissez, tous, ici, sous un autre nom. Oh non. Ouais. Oh non. OK, on devine. OK. Sa graine, est-ce que son prénom commence par Jean? Non, son prénom, c'est le bon prénom. Il s'appelle effectivement Claude. C'est juste son nom de famille qui est un pseudonyme. Ben. Non. François. Non. Julien. Non. Dubois. Non, ça aurait pu être ça, mais non. C'est quelqu'un qui est bien loin du monde de la chanson aujourd'hui. Ah, ah ouais. Ouais. Claudine Mercier. Qui est pas connu du tout pour ça, dans le fond. Claude Mayotte. Non. Claude Rajotte. Ça a rapport un peu avec, avec la religion, pour faire un parallèle avec le jeu de Bible. Là. Mais c'est pas la religion catholique. Ah, ben là, c'est Claude Vorion. Exactement. Claude Vorion, alias Raël. C'est lui qui chantait ça. Parce que Claude Vorion, avant d'être crosseur, il était chanteur. Puis il a fait un disque à un moment donné pendant une phase transitoire où il chantait des crosses sur les extraterrestres. Ah, c'était laid, ça. Oui, c'est. De quelle couleur sera le drapeau du monde? Exactement. Puis mieux vaut mourir que d'être militant. Oh, il n'a pas trouvé. Ah non, il est seul de son cul. Transparent. c'est juste un gros saran wrap. Ils sont le passion transparent. Fait qu'avant de faire ça, ben, il s'appelait Claude Seller, puis il chantait des tunes de même, Extasie. Fait que ça n'a pas duré longtemps, ça. Ça, c'était comme trois ans avant de rencontrer les Elohim. Ça, c'était son entité qui s'appelle Seller, qui n'est pas la même que son entité qui s'appelle Vorion, qui n'a rien en commun avec le pape, sa sainteté Raël. Non, c'est ça, c'est toutes des phases. Fait que je voulais juste dire ça. Parce avec la croix gammée dans l'étoile de David. Oui, ça, c'était assez hot quand même. De Raël? Mm-hmm. OK, ouais. Croix gammée plus étoile de David égale... Égale... Faire chier le plus de monde possible. Égal, I can't get away with it. Fait que, parlant de ça, de get away with des affaires, ben... Oh, shit, c'est le spécial dance. Ouais. Aux tables tournantes, DJ George. Toute c'est, la soirée. C'est Berlin, ça? C'est un remix de Berlin. Ah! Toute la soirée, c'est Ladies Night. Évidemment, les remix dance, ce qui est plate, c'est que les intros sont super longues. Fait que je me permets d'avancer. Skip, pas mal souvent. Que c'est là, c'est ça. Rappelez-vous qu'on a besoin de ça, des remix dance dans la vie. C'est pas ça qu'on veut, c'est quoi le discours que tu apportes avec ça? Ben, parce que si on n'en avait pas besoin, il n'y aurait pas tant de monde qui en ferait. Là, c'est sûr qu'il y a un besoin. Ah. Moi, je déduis le besoin de l'existence de la chose. Par l'existence de la chose. Demande égale besoin. C'est ça. C'est le dernier film que Tom Cruise a fait avant de se faire refaire les dents, ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Excellent point, Tommy Godet. Oui, bravo, bravo. Référence obscure. Oui. Tom Cruise, qui est d'ailleurs lui aussi un des papes d'une religion. Rappelez-vous-en pour le quiz du 200e épisode de 70%. Ah, puis en parlant de nouveautés, on est maintenant sur Twitter, suite à une remarque de Bruno la semaine passée, comme quoi qu'on l'était pas, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Ça a coûté cher, puis ça a été long, je dirais, en plus. Ouais. Ah, c'était, oui, ça a été complexe, il a fallu négocier, mais là, finalement, vous pouvez donc nous suivre sur Twitter à douteux.org. Donc, c'est comme douteux.org, mais pas de point, parce qu'il n'y a pas de point dans le nom de tweet. T'es sur Twitter présentement, en train de passer des tweets? Ouais, en ce moment même. Ah ben. Fait que vous pouvez nous suivre, abonnez-vous à douteux.org. Puis autre nouveauté, on a également une adresse email pour nous rejoindre en studio vu que le téléphone marche plutôt mal puisque la plupart des gens nous écoutent en différé. Donc vous pouvez nous écrire, peu importe quand est-ce que vous êtes en train d'entendre ça, à 70% à gmail.com. Donc ça s'écrit 70POUR100. Et nous, on va toujours vérifier l'adresse email à tous les moments qu'il est possible d'écouter l'émission. Exactement. Comme ça, on va pouvoir, Vous envoyer l'émission. Vos prix ou. Exact. Pour répondre immédiatement. Fait que si vous avez des commentaires, des critiques, des niaiseries, des demandes spéciales, vous envoyez ça là. Puis la semaine d'après, ben, on lit les affaires qu'on a reçues. Ah, pendant la semaine. Skip-moi Berlin, là, c'est assez. Là, c'est assez de Berlin, hey, OK. Ouais. Tiens, on va changer de genre complètement. Ça, c'est toujours une excellente idée. Hey, du classique. Les autres, man, du classique, ils doivent se revirer dans le tombe. Mais c'est sûr. Là, ça commence ordinaire. T'sais. Ah, je la trouvais meilleure sans avec le reverb. Ouais, c'est ça. Ouais, pour l'instant, c'est pas grand-chose encore. Ouais. La honte. Asti, c'est comme un build-up, man. Ouais. C'est un caméo-méo. Ah bon? Et voilà. Oh, oh man. Beethoven, man. Ben, il est chaud, anyway. Il peut quand même sentir les vibrations. Surtout sur un dance mix. Oh non. Et voilà, plus de vibrations encore. C'est bien fait en plus. Ce qui est le fun, c'est que pas n'importe qui peut faire ça, là, des dance mix là même. Ok, on peut changer. Déjà? Ben là, tu en as sûrement des millions. Ouais, attends, ouais. Je veux au moins entendre le bridge. Ok, ça sent bien. Le bridge. Le voilà. Hey, là, ça devient full techno. Ou house, ou je sais pas trop comment qu'on appelle ça. Là. Électro. Electro show. Electro pitster. Bubblegum pop punk. Ok, yeah, yeah. Ça, c'est pas facile, hein? Yeah, yeah, yeah, ok, yeah. J'en ai un autre ici. Essayez de deviner c'est quoi la toune avant que ça soit évident. Facile. C'est pas Calvin la chicane? Non. Chanson que vous connaissez bien. Attention, ça sent bien. La révélation sent bien. Oh. Et voilà. Ça a été fait en 2008 par le groupe Scooter. Scooter! Ouais. Pas mal cool, pas mal cool. Je me souviens du cover punk de la même chanson qui était vraiment désagréable aussi. Ah, je l'ai pas. C'est tout un bon des cover punk pourtant. Non, ben, ouais. C'est ça. Ah, tu devrais peut-être. Suggestion, DJ George, faire une soirée cover punk rock. C'est j'enverrai vrai. Des liens très intéressants. C'est bon, je me fie sur toi. J'en ai une petite collection aussi, mais pas beaucoup. La toune de Titanic, là, en version punk rock, c'est assez pas bon, merci. Ah, ça doit être écœurant, ça. Tu m'enverras ça. Aïe, aïe. Okay, je sais pas quoi dire. On dirait que les commentaires négatifs se bousculent dans ma tête et il y en a aucun qui peut sortir. Ouais, c'est comme le Mr. Burns. C'est le... Toutes ces maladies samuel. Le syndrome des trois stooges. Aïe, sacrément. Je rebaisse le volume à toutes les fois que je le remonte. Ça... Ah, c'est pas facile. Je l'avais dit que ça allait être difficile aujourd'hui. Ah. Okay, vas-y, mets-en une autre, puis après ça, on va passer à autre chose. Ouais, OK. Une dernière pour ce bloc-ci. Je vais avec ceci. Oh, ah, ben, calice. Ça, je me rappelle. C'est la version du CV, ça? Du CV? C'est communique, tout simplement. Non, non, non, non. C'est la vraie version de Sœur Sauvée. Sœur Sauvée. Je me rappelle de l'époque où ça a déjà été vraiment populaire pour vrai à radio. C'était en 94, puis ça passait à la vraie radio, là. On dirait des sardines à pas comme saveur ici, là, de... Pas comme ici, pas ouais. Comme ici. Bon surette. Ah. C'est beau quand même. Hey, parlant de souffrance qu'on s'impose volontairement, là, moi je suis allé faire du bénévolat pour la TOW7 de notre ami Sylvain Grenier. Oui, c'est vrai, parle-nous de ça. Puis j'ai appris là, qu'il faisait le TOW Extrême. C'est en avant. C'est 18 ans et plus, c'est le 22 octobre prochain. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent plein de petites push-pins sur le mat. De lutte, puis là, le monde, ils font de la lutte dans des punaises, tu sais, pour te planter dans le mur. Ouais. J'avais un petit peu de difficulté avec ça, moi, je... Il me semble que Sylvain Grenier, la semaine dernière, aussi, nous disait que c'était pas ça la vraie lutte. Triper, ouais. Non, c'est ça. Il essayait de, justement, de ramener l'honneur dans la lutte, puis enlever ces affaires-là. Ouais, ben... Qui disait juste avant de me crisser à terre. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que t'es comme tuméfié cette semaine. Ouais, ben, je commence à m'en remettre, là. J'ai pris une semaine off au collège, là. Ah, bon. Ça. Je pensais que c'était des nouveaux jeux que t'essayais avec tes enfants. Non, non, pas. Mets le bat dans papa. Non, non, je suis pas ce genre-là. Non, non, non, non. Aïe, yasti de calice. Fais-en un autre. Ok, un autre. T'en as comment, mettons? Ah, j'en ai plein. T'as là, un folder comme... remix. Vite de même, ça m'a pas pris de temps d'accumuler. Check, j'ai une autre version de la même affaire. C'était laquelle qui passait à la radio? C'était-tu celle-là ou c'était l'autre? C'était l'autre, moi, que je connaissais à la radio. Okay, celle-là, c'est un an plus tard. Personnellement, je la préfère. En 2009. 95. Ah, ben, il y a comme un... Il y a comme de l'accordéon. Il y a de l'accordéon, il y a du banjo, puis il y a du rap. Fait que, ah, ben, c'est bon. Du rap de noir. Ah oui, 2008, c'était celle de Neverending Story. C'est ça. Ça, sourire de tantôt, c'était 94. Là, on est rendu au remix 95. checkez bien le rap. À l'époque de Jean Salter, l'Angleterre était le roi Dominique Nanterre. Combattit les Albigeois, c'est un jour un héritier. Yo, Albigeois représente. Fait que moi je préfère celle-là. Ouais, moi aussi. C'est un petit gros polka. On dirait qu'elle passe plus de textes vite, fait qu'elle va durer moins longtemps. C'est pas vrai. Ceci peut être faux, tout de même. Ouais, ça pourrait durer plus longtemps. Ça va être un bridge. Ouais, c'est ça qui fait tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, ouais, on n'est pas à l'abri de ça. Mais dans cette chanson-là, il y en a pas. Regardez, il y a comme le petit banjo électronique, puis il y a du yoda là, un bout aussi. Il y a vraiment tout, là, ils ont toutes mis les bonnes, les valeurs sûres. Hey, ça va nous prendre de quoi qui contre-attaque. Je vais essayer de trouver le yoda. On pense à quoi, là? Parce que moi, j'ai un dossier sur le reggae, fait que là, tu sais... Hey, moi, je veux mettre une toune qui est tranquille, puis qui s'écoute. Hey, check le yoda. On dirait que c'est moi qui ai écrit ça, cette tune-là, bâton. Hey! Toutes les affaires qui me font triper, puis on trouve ça en même temps. C'est... Je peux-tu la skipper? Attends, ah, deux secondes. Ok, check. Attends, il y a d'autres choses. Il y a des cris de jouissance. Il y a des... Hein? C'est assez jam-pack de tout. Voilà. Ma chanson préférée de ce temps. Et on se souvient que Sœur Sourire était lesbienne. Fait oui, qu'on peut s'imaginer, tout ça. Exactement. De trip de non ensemble. Ouais, trip de non à noun. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est ça. Dis 70%. 70%. Merci. Au moins, il reste encore influençable. Hey, on va écouter Blur Out of Time. Puis on va revenir à 70% pour des nouvelles avec Bruno. Ouais, parce qu'on n'est pas informé encore, là. Et puis, il va y avoir d'autres tunes de remix dance plus tard. Et un dossier sur le reggae! Ouais. Et la Bible. Ah, j'en dirais que j'ai comme un trou qui grandit à la place de la tête. J'ai encore d'autres belles affaires en réserve. On a bien out. Fait qu'on écoute Blur et Out of Time à 70%. super créative. Ici Marie-France de Montréal Striptease à l'émission 70% à chaque FM. Si vous voulez passer un bon moment, une seule émission, 70%. Alors ici Sani Duval, bonsoir. Vous écoutez présentement 70% à chaque FM, une émission où les animateurs n'utilisent que 30% de leur capacité. C'est tellement vrai. Là, j'ai oublié de te demander, Bruno, t'as mieux la première ou la deuxième? La deuxième. La deuxième. La première. La deuxième est passée la semaine passée. Bon, ben, c'est bon. Il va pour la variété. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Alors, cette semaine, il y a les Incendiaires qui sont maintenant au numéro 1 au palmarès de Musique Plus. Donc, ça a valu la peine d'aller voter 400 fois par jour. Ça t'a pris combien de temps? C'est pas super long. Non, c'est pas vrai. Je sais pas combien de fois j'ai voté, mais j'ai voté plus qu'une fois, effectivement. Ça prend des yeux. Ça s'appelle-tu de la triche? Ben, je suis très fier de toi, Bruno. Je suis content d'être ton ami pour une fois. Ouais. Alors, c'est ça. Continuez à voter pour le vote. À aider le processus démocratique. Exactement. En allant voter pendant 15 minutes par jour. donc, on y va avec des vraies nouvelles. Il y a quelques semaines, je parlais de sorcières roumaines qui voulaient pas être taxées. C'est au tour des sorcières russes de se faire réglementer bien profond. Un nouveau projet de loi a été introduit dans l'orifice occulte russe afin que les sorcières et autres mages enchanteurs et nécromanciens n'aient pas le droit de se faire de la publicité. Un rapport de la très neutre Église orthodoxe affirme que la Russie héberge environ 800 000 praticiens de l'occulte, dont plusieurs font des annonces dans les journaux offrant l'annulation de sorts ainsi que la guérison de l'alcoolisme ou même du cancer. Le but de la loi étant d'encourager la population à aller voir des médecins à la place. si cette loi passe, elle ira à l'encontre de l'article 29 de la Constitution russe qui garantit la liberté d'idée et d'expression de tout citoyen qui ne critique pas Vladimir Poutine. On en fait un autre. Il y a deux touristes américains qui ont reçu des accusations de profanation de cadavres après que les agents de sécurité de l'aéroport d'Athènes les aient pris avec 6 crânes humains dans leur sac. Les touristes affirmaient qu'ils croyaient que les crânes étaient des faux et qu'ils les avaient achetés dans un magasin à Mykonos, qui est bien sûr reconnu mondialement pour ses crânes. nous vous rappelons qu'il est illégal de retirer quoi que ce soit de sites ancestraux grecs. Il est également illégal de ramener des têtes humaines aux États-Unis, du moins sans les déclarer, là. Sans que ça. Faut au moins qu'elle fasse partie d'un corps entier, ouais, exactement, vivant avec toi. Qu'il y a son passeport. Ça apprécie. Ben, Bruno, tu nous en gardes pour l'avenir? Je vous en garde pour l'avenir. Parfait, ça. Puis ça veut Julien dire que... Bernatchez vient d'arriver. Pile poil. Pendant que Julien Bernatchez fouille dans ses notes de cours pour trouver sa chronique. Ouais, je l'ai ici. C'est cool parce que c'est pas mal ma chronique préférée. Pour vrai? Ouais. Ah, merci beaucoup. Ah, ben, c'est rendu pas mal avant, c'était vraiment. Ça passe. Non, mais c'est parce que je suis rendu numéro 1 au palmarès de Musique Plus avec mon sac à musique. Fait que peut-être qu'Israël commence à m'aimer plus. Là. Ok, ouais. Ah, je comprends. Ouais. En tout cas, j'ai voté deux fois pour ton clip. Ah, c'est bon, ça. Il y avait le clip de Marimé, fait que c'est difficile avec David Usher quand même. J'ai voté 5 fois pour Marimé. Ouais, mais 2 fois pour toi, hein. Ouais. En tout cas, dans le top. Ouais, mais dans Marimé, tu sais, ils sont comme 2. Ouais. Fait que c'est divisé par 2, mais vous autres, vous êtes 5. Ouais, je sais, mais c'est comme une personne. C'est les Incendiaires et David Usher. C'est ouais, comme c'est pas, Nick, les poules, les Incendiaires mais toi, featuring. C'est les Incendiaires. Ouais, ouais. Et moi, depuis le début de tes nouvelles que je vote non-stop, c'est pas si facile qu'on pense. Non, parce qu'il faut que t'aies des ouais, yeux faut pour que pouvoir. Tu cliques sur le bon icône qui te dise, qui change à chaque fois pour vérifier que t'es un humain. Une énigme. On peut pas faire ça super machinalement. J'avais regardé. faut utiliser un peu 10% de son... Oui, c'est ça. Qui me reste juste un autre 20% pour vous. De quoi tu nous parles aujourd'hui, mon Bernatchez? Je ne peux plus. De fait que ce sera pas bien. Alors, je m'excuse, j'ai présentement le rhume, fait que j'ai le nez bouché, fait que je me promène la bouche ouverte à journée longue comme un enfant trisomique. Je vais préciser. On salue les enfants. Pour les auditeurs qui ont la couleur. Oui, voilà, c'est ça. fait que j'ai un dossier urgent sur Pif Gadget, deuxième volet. Deuxième! Bon. Parce qu'on avait clairement pas fait le tour. Non, c'est ça. Moi, j'étais resté sur mon appétit. Voilà. Je voudrais d'abord abuser du privilège d'avoir une tribune afin de faire une plug honteuse. Ma blonde, surnommée la femme de Colombo par Bruno, parce qu'on la voit jamais, a ouvert une... ouvert une page Facebook de fans de Bac et Bottine parce qu'il n'y en avait pas, puis elle aimait ça beaucoup. Puis là, ben, tu sais, on est juste neuf. Puis, dont ma mère, ma tante, puis mon coloc. Alors, puis elle, ça. Puis, oui, puis elle, évidemment. Puis bon, ben, les gens écoutent l'émission sur le web, alors si vous pouvez nous joindre, ce serait apprécié. C'est facile. Évidemment, faut que vous aimiez vraiment Bac et Bottine parce que c'est une page pour les fans. Je veux dire, faut que ce soit genre votre film préféré c'est parce que. C'est les fans de Maï Paiement quand elle parle pas. Non, c'est les gens. Dire, en fait, on veut juste des gens qui aiment vraiment beaucoup, beaucoup Bac et Bottine, sinon on n'est pas intéressé. Ok. Ça veut dire t'attends. Ça vaut la peine d'en parler vraiment. Cliquez pas. Cliquez juste pas si vous avez pas Bac et Bottine. Bon, fait que le message est passé. Alors. Dossier urgent sur Pif Gadget, deuxième volet. Pif Gadget est un être... Pif Gadget est un être complexe qui a plus de 1000 visages, comme Jacques Mézrine. Mais contrairement à Mézrine, Pif n'a jamais volé de banque, mais bien au cœur. Aussi, contrairement à Mézrine, toujours, Pif n'a jamais tué personne et n'a jamais passé proche de faire mourir quelqu'un de rire. J'ai écouté le film de Mézrine en fin de semaine passée. J'avais beaucoup apprécié, super bon. J'ai donc décidé, pour rendre justice à la complexité du plus sympathique et fat des chiens bruns, de continuer mon dossier sur Pif Gadget en énumérant la suite des gadgets que je considère comme dignes de mention. On s'est laissé au numéro 375 et il y en a 1293. Alors, c'est quelque chose que je vais essayer de revisiter à l'occasion jusqu'à ce que Pif n'ait plus secret pour vous. Alors, juste un best-of rapide des gadgets mentionnés précédemment pour ceux qui l'auraient manqué ou pire, qui l'auraient oublié. Il y avait dans les gadgets, il y avait des timbres bulgares, le visiteur de l'espace qui fait du bruit, Gloussy la cocotte, Gravitus le clown culbuteur, l'acrobate insolite, un portrait d'un Iroquois en relief, le zigloton en coulisses et Torturette la tortue bleue qui saute. Alors, on commence. Au numéro 377, un cadeau pour maman. Une toupie qui, en tournant, devient magnétique. Elle attire le petit serpent métallique fourni avec le gadget. Ta mère, elle va vraiment triper de recevoir ça. On s'est nettoyé ta chambre à la place. 410, des oreilles de géant pour petit marin. Une paire d'oreilles géantes en plastique de couleur chair à appliquer sur ses propres oreilles. Aussi, c'est les vrais, en passant, pour une fois. c'est la vérité pour une fois. Okay. 428, les claquettes américaines, ça permet de changer tes souliers en souliers de claquettes. Fait que... tout le monde en cours d'école peut faire de la claquette en même temps. Je trouvais que c'était une drôle d'image. Numéro 503, les lunettes X. Une paire de lunettes avec une plume au niveau des yeux qui crée l'effet optique d'avoir l'impression de voir le squelette. Oui, ça, ça a toujours été n'importe quoi. Ouais, c'est ça. À la fin, supposons, dans... non, il n'y a pas juste Pif. Dans Archie, t'avais ça aussi. Ouais. J'avais remarqué aussi une certaine tendance. Il y a beaucoup de gadgets qui crachent de l'eau. Dans le numéro 463, une sonnette à eau. 485, l'appareil photo avec eau comme à... oh ben! 522, la montre à quartz à eau. 546, le feutre à eau. 562, le nœud papillon arroseur. Puis 592, la caméra vidéo qui lance de l'eau. Ça fait en un an, 6 affaires qu'il lance de l'eau. Ah, imagine la caméra vidéo, comment qu'elle devait avoir l'air réaliste. Ben oui, hein. Surtout quand tu t'es fait arroser 5 autres fois par ce gars-là, tu dois te méfier d'un peu tout. Les, ouais. À toutes les 10 semaines, il est arrosé. Ah, je vais te prendre en photo. Fait que, check mon papillon. Je me souviens qu'en 74, c'était le... il n'y avait rien de plus drôle que ça. C'est clair. Numéro 523, le stylo sifflet, qui est à la fois un stylo et un sifflet. Ah. Oui. 542, le disco pif. Mais c'est un frisbee en fait. J'aime bien celui-là, le 554, Pifourac et son Hercule au point. Oh. C'est comme un rip-off de Goldorak. Pifourac et son Hercule au point. Ah, oh, shit, je l'avais pas deviné. Pas non, c'est ça. Je pensais que c'est comme un rack à pif. Ça aurait pu, ouais, pour mettre tes pifs. Pour mettre tous tes gadgets, peut-être. Hercule au point, qu'est-ce que ça aurait été à ce moment-là? Ben, ça aurait été un point, mais avec la face d'Hercule dessus. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Comme un point? Ben, c'est comme un gant, dans le fond. Ouais, un gant Hercule, supposons. Ouais, c'est ça. Pour les, ouais. Pour les Herculophiles qui veulent s'affirmer dans la cour d'école. 574, le déguisement, c'est pour ça que ça s'appelle. Un gadget qui permet de se déguiser de fausses lèvres rouges, de fausses moustaches et un cache-œil. Fait qu'avec ça, tu peux aller acheter tes pifs gadgets incognito. Numéro 634, les lunettes de détective. Mais c'est juste des lunettes fumées, comme carrées. Puis sa couverture, tu vois Colombo, même s'il n'en porte pas. Fait que, numéro 637. De lait, parce qu'il y a un œil de vite. Oui, c'est, voilà. Le lance-légumes. C'est à la place des mangers. si j'ai fait la... Pardon, j'ai... j'ai fait la catégorie de ceux que je suis sûr qu'ils ne marchent pas. 583, l'alambic solaire. La gadget représente un appareil qui permet de purifier l'eau, une sorte de filtre. Hey. Avec le soleil. Ouais, ça marche avec l'urine. Ou... Mais je doute que ça... Numéro 608, c'est, il fait de l'électricité avec du vinaigre. Un astucieux montage électrique qui permet de fabriquer une pile fonctionnant au vinaigre. Ce gadget devient un jeu d'adresse où il faut suivre le trajet tortueux d'un fil de fer avec un anneau sans le toucher au cas où de contact le diode s'allume. Numéro 131, le catamaran de Carlos. Carlos se souviendra qu'il animait le bonjour d'Albert. Il faut que ça soit solide en Chris son catamaran pour le supporter. Je doute que ça fonctionne encore une fois. Et en terminant, j'ai la catégorie de ceux que je crois qu'il y avait un nom drôle. Numéro spécial annuel de 74, le ballon hurleur. Au numéro 400, les dominos féeriques de Tenichi. Ce sont des dominos qui changent de couleur. Au numéro 434, le yo-pif. Non pas un yo à l'effigie de pif, mais bien un yo-yo à l'effigie de pif. Numéro 490, la soucoupe sifflante. Numéro 559, puis j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est le toupitoton. Il y a comme pas de description, je sais pas, toupitoton. Numéro 122, un monstre mou. Numéro... Quand ton oncle te montre son monstre mou. Numéro 639... Tu sors ton Hercule au point. Tu sors ton Hercule au point. C'est ton pifo... Non, je trouve plus. Le monstre mou entre les hercutotons de... En tout cas... Non, c'était des pifototons. Les toupitotons. Les toupitotons. Les toupitotons et monstre mou. Au numéro 639, le martien hurleur. Ça devait être le préféré des mamans, lui. Oui, il ben, y en a plusieurs, effectivement, qui sont bruyants, ou qui tâchent, ou qui crachent de l'eau. Fait que, l'un ou l'autre, pif, c'est bon pour la jeunesse. Alors, voilà, on est rendu à 150, plus que 600 autres gadgets à vous faire découvrir. Pif Gadget, délice intemporel, plaisir charnel. C'est la fin de ta chronique? Ouais, je pense. Oui. Hey, oui. C'est vraiment passé vite, mon gars. Ah oui, mais c'était intense. Ben, ça passe tout le temps vite. Ben non, c'est sûr. Là, c'est parce que c'est plaisant. Ben oui. Ben, hey, merci beaucoup. Pour autant que voter pour Bruno sur top5.musicplus.com. C'est quoi ce que t'as appris à l'école, là, dans l'instant? Là, c'était mon cours d'écriture télévisuelle. Fait que là, je me suis trouvé un partenaire pour mon idée de sitcom qui est. L'amitié improbable entre un étudiant en médecine bisexuel et le fantôme d'un cordonnier. C'est genre ça, on va développer ça, on fait des synopsis d'épisodes, puis vous verrez pas ça à la TV, là. Et bon. Et voilà. Oui. Hey, ben, merci beaucoup, Julien. C'est tout le temps très léger, tout le temps sympathique, tu sais, puis tout. Puis là, on va écouter un petit bout de Vidéoville avant de passer vers autre chose, là, parce que c'est bon, Vidéoville, on s'apprécie. Vas-y. Voyez-vous qu'il rit? Hercule au point! Monstre mou! Oh oui, The film tutored last man. The film tutored last man. The film tutored last man. The film tutored last man. J'ai vraiment eu la plus spook, je pense. Ouais, hein? Elle me fait peur, moi, un petit peu. Ce qui est le fun de ces jingles-là, c'est qu'ils sont vraiment courts. Hey, moi, je mets encore une séquence du film. Vous vous en rappelez? Il venait de tuer tout le monde, juger tout le monde. Fait que là, on va peser play. C'est juste après. Ouais, pacifier les pièces. 53 personnes, dont 5 enfants hospitalisés et 19 décès. Allez. Non? Vas-y, soulève-le. Tu l'as? C'est bon. Avant, je le tiens. Tiens, amène-toi. Et merde! Attention au tournant. C'est moi qui étais chargé de veiller sur lui. Ne vous faites pas de reproches, c'est lui qui a fait une erreur, pas vous. Ça vous ferait mal d'éprouver une émotion pour une fois? Émotion? Ça devrait être interdit par la loi. Hey! Aliments recyclés. Quel jeu de jeu. Bon pour l'environnement et le transit intestinal. Faites votre choix, puis introduisez votre contribution dans la fente. Vous avez 5 secondes pour vous rendre. Là, il parle à une poubelle. 5. Veuillez laisser passer votre ami. 3. Vous êtes sur la trajectoire d'un saint androïde. 1. Quel bol! Ça me fait plaisir de vous voir. Code municipal mégacité 7592, sabotage d'androïde public. Ça vous fera 6 mois, citoyen, voyant votre unicarte. Allez, soyez sympa, monsieur le juge Dredd. Dredd? Mmh. Oh, je tombe Dredd. Oh. Ferguson Herman, fraudeur, falsification de droïdes et d'ordinateurs publics, de distribank, de taxi-robots... Il n'y a pas 24 heures qu'il est sorti de prison, c'est un récidiviste. Peine automatique de 5 ans, qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable. J'étais sûr que vous diriez ça. Une peine de 5 ans? Non mais enfin, non, j'avais pas le choix, ils se zigouillaient tous là-dedans. Vous avez pu sauter par la fenêtre. Du 40e étage? Mais c'était suicidaire. Peut-être, mais c'était légal. Juge, votre 5 ans, bagne d'Aspen. Affaire classée, emmenez-le. Ne classez pas l'affaire, c'est une erreur judiciaire. C'est une erreur judiciaire. Je suis innocent. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça, c'est vrai que t'es innocent. Dis peut-être la vérité. Les circonstances atténuantes, vous n'avez jamais entendu parler? J'ai déjà tout entendu. Relâchez-moi. J'étais sûr que vous diriez ça. Tatatan. Tout le monde est tout le temps sûr que quelqu'un dirait quelque chose dans ce film-là, j'ai l'impression. Ben, ouais. Venir en tabarnak. Ben, d'ailleurs, j'ai comme inventé le jeu à boire de Juge Dredd tantôt chez moi. On va y en reparler. Qui ici a déjà lu un Juge Dredd, une BD du Juge Dredd? Il y a Bruno là-bas. Non. Julien, non. Même. J'ai joué au jeu de Sega Genesis, par contre. Hey boy, hein, ça c'est excellent. Le boss de la fin, là. Non, pas le cas de passer le premier tableau. C'était comme le jeu d'Alien 3. C'était très. Ouais, c'était tough, le jeu d'Alien 3. Je comprenais rien. Et voilà, c'est dit. Le chaos et l'ordre, ils sont choses omniprésentes dans le Juge Dredd. Il y a tout le temps comme une espèce de grosse autoroute qu'on voit en background, puis il y a tout le temps comme du monde qui, tu sais, des chars, puis en tout cas, on y sent bien dans BD l'oppression nécessaire d'une hiérarchie inflexible dans un univers surpeuplé. Dans certaines zones de la ville, les buildings sont tellement hauts que l'Empire State Building et la Statue de la Liberté désaffectée servent de base à des bandes de malfrats minables. L'ambiance est telle que l'on en vient à comprendre, aimer et souhaiter la réaction universelle de Dredd envers tout le monde, 2 points, les tuer, puis les juger à mort. Car bien qu'il soit le gentil marteau des clous qui dépassent, Dredd est le plus sanguinaire et froid des héros de BD auxquels je puisse penser maintenant. Tellement meurtrier que John Wagner, son créateur, ne réussit à lui trouver un méchant qui survit à son application de la loi qu'en 1987, avec Juge Death. Qui devient, en fait, lui, Juge Dredd, sa gimmick, c'est qu'il vient d'une réalité parallèle dans laquelle ils ont déterminé que tous les crimes étaient commis par des êtres vivants. Donc, la vie doit disparaître. Fait que Juge Dredd, il venait dans le métropolis de Juge Dredd, là, puis là, il se battait. Là, puis là, voilà. Et personnellement, je trouve le rendu du film excellent, de la BD au film. À part les Fantastiques -4 de Roger Corman en 93, que l'on donne -4 à... Je considère que Juge Dredd est le rendu le plus fidèle d'une BD au cinéma. La morale de l'univers est noire ou blanche, le gros robot est hachement cool, et les enjeux débattus par les antagonistes somewhat palpables. En bonus, on y entend une pléthore de termes techniques futuristes sérieux. J'adore ça, moi, du polymère aussi, puis du mésospatial ça. Et puis, ben, les décors rappellent le cinéma allemand du temps qui faisait ça entre internés, là, tu sais. Juge Dredd... Pourquoi j'aimais ça dans le passé? Ben, tout était 18 ans et plus et on y voyait tous les Robert Brouillette et tous les poils pubiens. Explicite au point d'inspirer au moins 4 fois par jour le jeune de 11 ans que j'étais à l'époque. Pourquoi on écoute ça ici? Ben, j'ai fait une petite liste. 1. Le jeu à boire de Juge Dredd. Vous allez prendre une gorgée chaque fois que le mot « loi »,« justice »,« juge » ou « ordre » est mentionné. Et puis on prend 3 gorgées à toutes les fois que Juge Dredd dit « Je savais que vous alliez dire ou faire ça ». Ça arrive quelques fois. Tu veux qu'on se remange chaud? La poursuite en moto, 2e point, la poursuite en moto jet volant. Oui, la poursuite en moto jet volante, ça, c'est pas pire. Il y a comme un blue screen, je pense, en arrière. Il y a Rob Schneider. Ben particulièrement, oui. Le comic relief, et particulièrement encore la scène dans le tuyau en feu. Il y a Armand Asante, le représentant de la loi. La femelle méchante asiatique qui ne sert qu'à la catfight entre femelles à la fin du film. Et numéro 6, bien que le rendu de la BD soit juste, je vous rappelle que je ne lis plus ça depuis près de 15 ans. Ça veut dire qu'il y avait une raison pour ça au départ. T'sais. Personnellement, j'ai l'impression que le monde proposé par le boss des méchants est juste et bon, plus que celui des gentils. J'ai aussi l'impression que Stallone aurait dû dire oui quand l'autre lui a proposé le contrôle de tout. Pas pour le garder, le pouvoir, mais ça laisse quand même plus d'options que le plan que Dredd va choisir. Et au final, je vous invite à essayer de dire « Juge Janus » plein de fois de suite en pensant à Rob Schneider. Essayez, essayez. Un jeu dangereux. Je veux que quelqu'un le fasse. Hein. Juge Janus. Tu sais, en pensant à Rob Schneider, c'est super drôle. C'est qui ça? Wouh! Cet été, Rob Schneider c'était... est juge Janus. Un anus! He will find that la... Ah, mais là, on a comme compris c'était quoi le plan des gentils. Là. C'est-à-dire appliquer la loi. On va aller rencontrer notre méchant. Qui est fondamentalement méchant. Là, je veux pas rien spoiler, là, mais mettons que je l'inviterai pas à Noël. Là. Griffin, juge suprême. Ça sonne bien, je trouve. Nous devions nous voir sans courir le moindre risque. Quel risque ? Le reporter est mort, non ? Fargo fait son voyage. Dredd est à Aspen. Alors où est le risque ? Cela me chagrine. Cameron ait dû être élu au silence. Il aurait découvert Janus. Mais Dredd aurait pu m'être utile. Oubliez Dredd ! Dredd n'existe pas ! Vous connaissez les seules choses qu'il respecte ? La loi et l'ordre ! Il vous aurait réduit en miettes dès qu'il aurait su que vous vous torchiez avec. Ouais. Il va voir quel effet ça fait de se geler le cul à Aspen. Quel effet ça fait d'être moi. Il reste beaucoup à faire. Janus. Dites-moi où il est. Vous le verrez. Quand ? Quand bon me semble. Le juge Janus. Avant cela, il faut semer l'anarchie, Rico. Soufflons très fort sur les braises de la guerre. Que la terreur s'infiltre dans le cœur de chaque habitant de cette cité. Alors le Haut Conseil devra se tourner vers moi. Et vers Janus. Vous voulez la terreur ? J'apporte la terreur. Vous voulez l'anarchie ? J'apporte l'anarchie. Les braises de la guerre, tenez ! Les flammes de l'enfer ! Tatam! Le dernier geste qu'il a fait, là, on l'a mal vu que c'était à la radio, là, mais c'était de pitcher un buste à terre. Grrr. Hey, bonjour, vous êtes à 70%. Ben oui, l'anarchie. C'est moi l'anarchie. Hey, j'ai jamais venu me chercher. C'est là que c'est ça. Toi, là, il est temps pour qu'il lui colle. Hey, Bredge, tu t'étais pas fait en parler. Ben ouais, t'as survécu. Ben, j'ai réussi à me sauver, là. Si, il n'a pu rentrer qu'un coup. Ah, c'est pas gay, c'est juste un coup. Bon, toutefois, je vais faire ça vite parce que là, s'ils peuvent me retracer là, par téléphone, là, ça a l'air qu'ils ont mis des affaires, des cotes là, des téléphones de Choc FM parce que ça vient, c'est la première place, je me remettre à parler du monde, hein, tu sais. Ah, bon, ben. Donc là, on va faire ça vite. En gros, là, j'ai des plaintes. Là. Premièrement, Tommy, faudrait que t'apprennes à baisser le son des micros quand tu mets une tonne. OK. OK? Puis deuxièmement, faudrait que Liliane Schutt, là, c'est notre fan en France, là, il arrête de m'envoyer des lettres d'amour, là. Ça commence à être un petit peu fatigant, là. J'ai des malaises. Je sais plus quoi dire, là, lui, là. C'est bien fin, là, mais ça m'intéresse pas, moi, les gros pénis. Sorry. Par contre, j'en voudrais plus d'Étienne. Ah, ben là, écoute, si tu me le demandes si gentiment... Ça me fait même, là. Je vais t'en envoyer une dès que j'ai fini de voter pour les incendiaires à musicplus.com. Hey, mais là, mon temps. On approche du 30 secondes. Faut que je raccroche et ils vont me retracer. OK, ciao! Bon, ben c'est Simon Préjean qui nous a amené un petit peu d'amour. Là-dessus, on s'en va en nouvelles avec Bruno. Oui, alors on continue. Sur la scène internationale, toujours. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. On s'en passe pas beaucoup ici. Un perroquet colombien a été arrêté cette semaine après une descente de la police dans un repas de vendeurs de drogue. Il avait des informations pertinentes à donner. Il s'est fait parler. Voilà. Tu fais parler. J'aimerais appeler tout cancer à la barre. Selon les autorités environnementales, Lorenzo le perroquet essayait d'avertir ça, les propriétaires que la police arrivait. Ils affirment que Lorenzo est l'un des 1700 perroquets saisis par la police après avoir été entraîné par des vendeurs de drogue afin d'agir comme gardien. Au moins 4 hommes et 2 autres oiseaux ont été arrêtés pendant l'opération. C'est cool, ça fait courant. Des situations à la super sans plomb. Ouais, il est entraîné à dire « Sauvez-vous, la police arrive », genre. Puis quand la police était là, il paraît qu'il a dit ça toute la journée parce que la police était là. Personne ne se sauvait. C'était la police qui le traînait. Ouais, hey, vas-y, une autre. Ah, d'accord. Alors, Woody Smith de l'État du Kentucky affirme qu'il ne devrait pas être accusé du meurtre de sa femme parce qu'il était sous l'influence de la caféine. En effet, son avocat prépare une défense pour folie passagère fondée sur le fait que Smith avait ingéré tellement de caféine provenant de boissons gazeuses, de boissons énergétiques et de comprimés pour diète pendant les jours précédents qu'il n'aurait pas pu attacher sa femme avant de l'étrangler avec une rallonge électrique en sachant ce qu'il faisait. Smith affirme qu'il se souvient être allé porter ses enfants à l'école, mais de pas grand-chose après. Il affirme qu'il ne dormait pas bien à cause de la caféine et parce qu'il avait peur que sa femme le laisse. La quantité de caféine qu'il ingérait par jour monte à environ 400 mg, c'est-à-dire environ 4 tasses de café, assez pour rendre un homme fou, je suppose. 4 tasses de café? 4 tasses de café par jour. C'est assez pour rendre qui t'a dit fou? Un homme. Un homme responsable. Pour rendre Woody Smith fou. Père d'enfant. Et... Aïe. Ça, c'est de la défense. Hein. Ben, on lui souhaite la meilleure des chances et j'espère ne jamais avoir à passer du temps avec. surtout dans un Starbucks. Comme le dirait Éric Lapointe, la ligne est mince. Entre l'amour et la haine. C'est vrai. On fait des blagues de reggae, esti. Sais-tu qui a inventé le reggae, toi, Julien? Les incendiaires? Non. Mais j'aimerais ça le savoir. OK. C'était une fois deux reggae dans une chambre qui écoutait des records. Esti que c'était plate. Et puis, c'est quoi la différence entre le reggaeton et le reggae? Non. On s'en calisse. C'est quoi la différence entre un disque de reggae et un oignon? Les personnes qui pleurent quand tu plantes un couteau d'un disque de reggae. Ce qui m'amène à... deux en avant, deux en arrière dans le Jeep. Combien de reggae? Pour rentrer, combien de reggae? Check là dans le beurre. Tu arranges? Ouais, c'était ça une graine. Fait que Israël, tu veux nous parler de ton jeu de Bible? Non! J'ai vraiment un dossier sur le reggae. Parle-nous du reggae. Le reggae, c'est quelque chose que j'haïs profondément depuis très longtemps. Puis ces derniers temps, j'ai commencé à haïr plus ça. Fait que je me suis demandé pourquoi, tu sais, je voulais plus m'émanciper personnellement, dans le fond. Je voulais me découvrir en me forçant à écouter du reggae toute la semaine. Fait que j'ai fait des combinaisons sur YouTube de choses que j'aime pas avec reggae. C'est comme Super Size Me. Fait que là, j'ai tapé à un moment donné grunge et reggae, tu sais. Ouais, ça existe. Puis là, je suis tombé sur une toune qui était vraiment pas grunge, mais vraiment trop reggae. Puis ça s'appelait, Calembour, la toune Jamaïque. Il chantait en français et en plein milieu, ils ont dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il disait « Reggae, wow, wow, wow, wow, wow, reggae, wow, wow, wow, wow, wow, reggae, reggae all my life. » Puis ça, j'ai vraiment pas aimé ça quand ils ont dit ça. vous pouvez, c'était Calembour avec un G et un K au début. J'ai la fin. Puis ça, c'est à la 1 minute 30 secondes qu'ils disent ça. Fait que c'est vraiment pas pire. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, ceux qui nous écoutent en différé. Sinon, c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai tapé reggae et metal. Puis là, je n'ai trouvé des pas pires. Puis qu'est-ce que j'aime bien aussi dans les styles de musique, c'est quand ils font des jeux de mots avec leur style, tu sais, pour faire un nom de band. Fait que dedans, le reggae metal, il y avait Skindred. Avouez que c'est pas pire, hein? Ouais. Puis, puis je vous conseille vraiment le Ben Dress Call. Je vous conseille beaucoup la toune de Boutou Mama, qui font du très bon, pas bon reggae metal. Mais c'est jamais vraiment assez bon pour le douteux, tu sais. Fait que là, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tapé Christian Reggae, tu sais. Oh. Ah ouais, ça, c'est puis là, il y en avait un vraiment pas pire. Jesus. Ça s'appelait. Jesus. On the cross. Non. Il y a un band qui s'appelait Tenez-vous bien, encore dans les jeux de mots. Ah ouais, attends un peu. Là, Christafarian. Oh! Mais c'était encore très pas bon, tu sais. C'est tout le temps proche du zéro, tu sais. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tapé Japanese Reggae. Ah. Oh, puis là, je suis tombé sur une toune de Kaba Reggae 7 Star, ou comme ils diraient eux autres, Kaba Reggae 7 Star. C'est vrai qu'ils diraient de même. Puis là, mon monde s'est effondré, ainsi que ma chronique, parce que j'ai vraiment aimé ça, puis je l'écoute depuis. Ah, c'est juste parce que les filles sont cute. Fait que t'as grandi, là. Ouais, non, j'ai grandi, c'est ça, j'ai découvert que je dois plus trouver le Ben qui me fait triper dans chaque style. Voilà. Ce qui m'amène à switcher de chronique, et hier, j'ai fait le tour à mon jeu de Bible après, dans le fond. Ouais. Parce que Tommy me donnait un jeu de Bible, fait que je vous inviterai à faire le bout le fun avec moi. Je peux vous expliquer le bout le pas le fun avant. Parce que dans mon jeu de Bible que Tommy m'a donné au Game Boy Advance, ben... Tu l'as-tu plugué dedans? Tu peux plugger ouais, le... je suis rendu. Ah non, je peux pas, il y a pas les outputs qu'il faut. Ah oui, c'est vrai, c'est la magie du Game Boy Advance. Ouais, fallait que t'achètes des outputs. Fait que tiens-les pas loin de ton micro puis parle pas trop fort, là, on va l'entendre la trame sonore. Ben, attends un peu, faut que je vous explique d'avance. C'est le seul jeu de Game Boy Advance qui a un loading screen. C'est le seul jeu de Game Boy Advance qui crash. Faut tout d'abord que tu ramasses des scrolls à terre puis que tu lises des passages de la Bible pour pouvoir tuer des deceivers qui te donne des morceaux de clés. Puis pour tuer les deceivers, faut que tu répondes à des questions de la Bible. Fait qu'on va essayer d'en passer un avec moi. Je suis rendu au... Faut que tu tues du monde? Des deceivers. C'est comme des démons. Ah, OK. Fait que je peux essayer. On l'entend-tu? Ouais, on l'entend. Ça, c'est la toune. Quand tu tues ça, un deceiver. OK, je vais vous poser les questions, puis vous allez m'aider à répondre. Parce que là, on rencontre des deceivers qui veulent nous empêcher de bien connaître la Bible. Exact. Ouais, fait que... Est-ce que ça s'appelle des traducteurs, ça? Des translators. Donc, de qui Paul dit que nous sommes les enfants de? Adam, nos pères ou Dieu? Oh, toutes ces réponses! Ça a tout l'air plausible, hein? Ouais, ben je vais y aller pour Dieu. Bah ouais, c'est ouais. Plus catch. God, quand t'es pas sûr, va. Il nous avec donne Dieu. La référence de la Bible en plus à aller voir si on veut vérifier. Tu vois, une Bible en même temps, supposons. C'est dans les Actes des Apôtres 17-29. Ouais. C'était bien Dieu. Ah, ça, je me dis. Tu sais, on l'a. Qui que la Vierge Marie est mariée, dans le fond? Joseph, Jéricho, Zacharias, on sait que c'est Joseph. Oh, c'est pas facile. Ça, c'est ouais, facile, celle-là. À Noël. Luc 1-27. OK, on what day of the week did Jesus first appear to the disciples? The fifth, the first, the third. Le third. C'est le third. Non, c'était le first. Ah, bon. John 20-19. Vous pouvez aller vérifier à la maison. Oh, on est là-dessus. Si vous êtes à l'hôtel avec l'Internet. Parce qu'on sait qu'il y a toujours... En tout cas, oui, c'est ça. Donc, faut n'est pas okay, à qui, qui a écrit la chanson de Solomon? Sol, Solomon ou Rehoboam? Sol. Sol. Non, c'était ça le mot. Ah, ben. Chris, on met pas, faut gagner 3 questions sur 6 pour tuer le deceiver et gagner le morceau de clé. C'est encore jouable, là? On a gagné combien? Je sais pas. On a eu Dieu, puis on a eu Joseph. Ah oui. Joseph était facile. Les deux pères de GC. Who resisted the advance? Qui a résisté aux avances de la femme de Potiphar? C'est Saint-Jean-Baptiste. C'est Zaché. Joseph, Manassé ou Isaac? On va dire Joseph. Genèse 39. J'avais raison. Ben, j'ai fait le tour hier. Joseph, vous êtes creusé par les questions varient de en quoi Jésus a-t-il transformé l'eau à combien de chapitres y a-t-il dans l'Épître aux Corinthiens? Fait que, tu sais. Ouais, c'est quand même belle. Mais si tu lis tous les scrolls que tu ramasses à terre avant, là, tu les as, les indices? C'est ça. Fait qu'on est-tu en train, mettons, d'avoir un jeu de religion qui est comme plate ou... Ouais, ben, je pense qu'il y a, un jeu au Game Boy normal qu'il y avait, qui était par Wisdom Tree, l'ancienne compagnie qui faisait des jeux religieux, que c'était juste la Bible à lire dans ton Game Boy. Fait que ça, c'était comme quasiment plus intéressant. Parce que ça, il y a le bout de plate de tuer des araignées pour ramasser les bouts de scroll pour lire des passages de la Bible pour, j'ai fait le tour hier. Tant qu'à faire, juste lire les parts de la Bible, tu sais, pas besoin de passer par le bout de plate avec les araignées. C'est un jeu par Crave Entertainment qui nous a envoyé, qu'ils en ont fait à l'époque l'excellent Shadow Madness au PlayStation 1. Un RPG vraiment plate. Puis, c'est ça, c'est très bizarre, là. En arrière, c'est écrit que Tommy a payé 10$. Merci pour ma fête, Tommy. je rejouerai plus, j'ai fait le tour, mais non. Mais comment tu fais pour mourir? En fait, il y a comme des petites araignées à terre, puis les deceivers peuvent sucer ton énergie quand ils te lancent des boules de feu, mais t'as juste à les éviter. C'est des prêtres, c'est ça? C'est comme sucer ton énergie. Ils disent que tu t'es en train de chercher de Armor of God, mais je cache pas trop. Comme dans le film de Jackie Chan. Ça, d'habitude, c'est d'être capable de tout inciter la provenance de ta citation de la Bible, Armor of God. Chris. Tu dis Corinthiens, deuxième épître, chapitre, verset. Et puis là, t'as gagné. Là, t'es blindé. Dieu est avec toi et tu connais tout. Ouais, puis tu peux te mettre à easy, medium ou hard, puis c'est juste que les araignées prennent plus de temps à mourir, c'est pas les questions qui sont plus tough. Bon, voilà. C'est vraiment pas bon. Fait que je pense que je chialerai plus contre le reggae, j'ai une belle leçon de vie. Ben, merci. Faut pas juger les ours avant de les avoir mis la charrue avant les bœufs n'amassent pas mousse. Oui. Je pense que ça résume bien. Excellent. Ça, ben, merci beaucoup, Israël. Ouais, tout à fait, j'ai grandi. Ça veut dire qu'on va poursuivre dans l'émission. Je vais mettre une affaire qu'on n'avait pas encore entendue. Radio-cochonnerie. Inspiration Karl Orff. Ah oui. Je l'avais oublié, ça. La toilette qui flotte jusqu'au bout. Les ondes sont à toi, DJ. Ouais, ben là, attends, là. C'est bon, fade out. Je suis en train de voter pour les incendiaires au palmarès top 5 franco de musicplus.com. Puis là, j'ai cliqué sur les écouteurs à place du haut-parleur. Il va être sûr que je suis pas un humain. Ça y est. Bon, fait que on... C'est un exercice en futilité. Oui. Fait que je suis content que tu me parles de Karl Orff. J'ai quelque chose d'approprié ici. Attends, j'essaie de retrouver ça. C'est le spécial Dance Remix de DJ Burano. George. Ah, non. Ben, c'est dans le même genre. Check bien ça. Je crois ça. Ah, je vais boire de l'eau. C'est pas facile, là. Celle-là est dure. L'intro est longue, on peut en profiter pour aller voter pour les incendiaires. Est-ce que c'est long d'aller voter pour les incendiaires? C'est vraiment pas long, on a juste à aller... Il suffit d'aller à musicplus.com, palmarès, là, ouais. Dans le top 5 franco. On glisse la petite photo des incendiaires dans la case, c'est écrit numéro 1. C'est drôle. Puis en plus, ça la donne bien parce que la petite photo des incendiaires est juste à côté de la case. Ouais, c'est ça. Fait que ça va vraiment bien. Là, on clique sur l'icône qui nous dit, puis on clique sur soumettre. C'est drôle qu'on se crisse pas mal de ta toune. C'est quoi, là? Ce bout-là est intolérable. En plus, je pense qu'il va falloir qu'il y ait 15 nouveaux clips en rotation régulière avant qu'ils aient pu suivre les incendiaires. C'est bon, c'est comme les tasser. Mais... C'est bon pour deux mois. Je pense bien. Ah, merveilleux. C'est assez bon, ça, de la musique de même? Moi, je l'ai déjà entendu, je pense, cette tune-là, en quelque part, dans un bar, là, une fois, là. Je vais l'avancer un peu. Qu'il avait fallu que je paye un peu pour me laisser me faire rentrer dans le bar, là. Ouais. Au house. Hein? Et voilà. Là, on est dans le... T'as déjà été au house? Ouais. C'est que t'es quand? Es-tu déjà allé, toi? Non. Ben, comment tu peux savoir que je suis cave, d'abord? Ouais, c'est peut-être super le fun, non? Je travaillais au club vidéo en face, puis moi, quand je voyais des filles quasiment tout nues en hiver venir se réchauffer dans mon club... T'as décidé que tout le monde allait être cave? Ouais, non, c'est ça, quand que les petites filles en jupe venaient dire « Est-ce que t'as des toilettes? » Les petites participer. On rappelle que l'opinion de Bruno et d'Israël n'est pas la mienne. Non. Moi, j'aime ça, les petites filles presque tout nues, OK? Non, non, j'aime ça, moi aussi, mais... Non, ça va pas, non, les gars. C'est ça. Pas en hiver, puis pas quand ils viennent à infester ton club vidéo de merde. Oui. Ben, juge pas leur peau d'ours avant d'avoir l'herbe plus verte chez le voisin. Habiller le moine. Ouais. Ouais, OK, je suis désolé. Bon, peut-être que je vais grandir encore cette semaine. C'est la même tune, ça, ou c'est... Non, là, c'est d'autres. On peut changer? Ouais. Je peux changer tout de suite. Ça, c'est celle de la paix et de l'amour. Ouais, là, ça va vous remettre. Les gars, je suis content de vous voir. Je me suis ennuyé la semaine passée quand je suis allé ouvrir le chapitre à Sherbrooke. C'est vrai, c'était pas pareil. On avait mon cours. On a été reçus comme des rois par les gentilles personnes du Poké-Bière. Ça a été vraiment gentil. On vous conseille d'aller là à un moment donné. Calice. On l'écoute plus, hein, DJ Jean. Mais là, c'est les poissons vivent dans l'eau. Ouais. Comme le dit le proverbe, apprend un homme à dormir et il tînera pour la toute sa vie. Ouais. Ça. Là, ben, dans la même veine, j'ai trouvé ça tout récemment. Une découverte fraîche de DJ Jean. Ouais. Un tien vaut mieux que deux fois n'est pas coutume. Tous les chemins mènent au petit pot. Qu'est-ce que c'est ça? Okay, je vais l'avancer un peu. Ben là! C'est toujours long, les gars. Deux coups de feu, des poulets grises pour tout le monde. Des meilleurs, des carottes, des tomates, des poireaux, puis des pommes de terre. T'as ça le remix dance, là, de Normal Amour? Ben oui. Je pense que ça vaudrait la peine de le mettre. Il y en a plusieurs. Le remix dance de Normal Amour. Certains. Je l'avais même pas sélectionné. Les poissons sont vivants! Normal Amour a déjà sorti un album spécial DJ. Donc il y a deux remix dance. Puis le reste, tu peux tout sampler. Le reste, c'est des le samples. Le petit pinceau. Dans le buisson. Écoutez. Ça, c'est son grand classique ici. Il s'agit de la chanson Do du do do do do en parenthèse dance. Ça, où est-ce qu'on peut se procurer ça, DJ Georges, ces chansons-là, si on... On peut me les demander. Au sixième niveau des enfers. Non, ça, moi, ce disque-là, je l'ai acheté au HMV dans le temps, mais ça fait longtemps. Ah, je pense que je l'ai volé à la radio étudiante de du cégep de Sherbrooke. Ah, c'est un autre bon endroit. Un achigan à petite bouche. Un achigan à petite bouche dans le roseau. Un achigan. Ça me donne envie d'aller clubber. Ouais, quand même, un peu. Un achigan à petite bouche dans le roseau. Un achigan. Ah, ça rentre plus, ça rentre pas. Il y en a un autre, la deuxième. On vous rappelle qu'il n'y a aucune métaphore. C'est celle aussi qui dit aller danser, là. C'est ma musique, c'est Normal Amour. Tu vas-tu mettre un full remix wow de Mado Lamotte aussi? Ah, ben, genre, j'ai presque tout mis le 10 l'autre fois. Hey, je vais essayer de me donner une chance. Ouais, ouais. Allez te niaiser. Mais ouais. Allez danser. C'est ma musique, là. Normal Amour. Ah, ok, là, allez-y, arrêtez de niaiser. Ça, c'est quand il est devenu fou, là. Ouais, c'est ça, c'est exactement à ce moment-là. On a été témoin de ça pendant l'enregistrement. Fait que ça, c'est la chanson « Y'a lâchez pas », entre parenthèses, « La poignée de porte », entre parenthèses, « Dance ». C'est comme du Underworld. Exactement. Ouais, c'est comme pas, ça pourrait jouer dans Trainspotting. C'est vrai. Ouais. Trainspotting québécois, là. Fait de l'héroïne. Bouger. Où aller bouger? On peut aller où on veut. Bouger. Lâcher sa folle. On va y aller dans une autre veine un peu. Ben oui. And now, ladies and gentlemen. Ça, c'est une petite présentation de même. On va l'avancer. Come on, dude. You can do better. Ça ici, je l'avance encore parce que c'est rendu nul plus loin. C'est un remix de Duke Nukem, le fameux jeu Duke Nukem 3D. Ouais, ouais. On attend la suite. Ouais, ouais, ouais. Ben là, hey, il est bon il vient encore de l'annoncer. Ouais, c'est vrai. Officiellement l'an prochain. Cette fois, c'est vrai. Duke Nukem Forever depuis 1998 qui nous disent que ça va sortir. C'est Taking Forever 3. Hey Bruno, t'es en train de te faire endoctriner. Ouais. Il est pas rendu au premier Deceiver, mais ça va. Je sais pas si je prends le petit gars ou la petite fille encore. Moi, je prends la petite fille tout le temps, elle est plus black. plus net, plus black. Dis-moi, c'est du racisme positif. Hey, le remix Mario, il nous mitraille, man. En plus, sont toujours très longues, ces chansons-là aussi. Ouais, c'est ça, c'est long, ça commence bien, bien lentement, c'est extrêmement redondant. C'est ça qui fait que c'est pas facile à tolérer. Toujours 7 minutes, 8 minutes. T'as-tu des remix de tunes de genre metal, ACDC ou d'affaires de même? Non, ça, je pense que j'en ai pas. De reggae japonais. Ça serait le fun du Wing Dance, mais non, j'en ai pas. Tu vas dans la catégorie jeu aussi, de celle-là. Ah, classique, oui. Ouais. Le DJ Joystick. DJ Joystick. En tout cas, là, puis le 11 octobre qui s'en vient, on s'en va à Shawinigan pour ouvrir un autre chapitre de douteux.org à Shawinigan. Hey, un sac, il y en a un. Je vais manquer l'émission de radio du 11 octobre. Ça y est. Hey, non, mais tu peux. Ben, ça va bien, ça va bien. On rouvre des chapitres partout. Le 11 octobre, ça va être tout de suite après la... l'action de grâce, celle-là. Je pense que oui, hein. Hey boy, je sais même pas c'est quoi l'action de grâce. Tu peux pas être pas là à l'action de grâce. C'est là que je te fais tout le temps jouer Chicken Yodel Polka. Ah ben, je vais l'écouter en reprise. Non, non, ça sera pas pareil. Je te jure, ben... Je vais le déplacer à la semaine d'après, alors. C'est bon. C'est ma dose annuelle de Chicken Yodel Polka. Est-ce que t'es rendu un deceiver, Bruno? Ben, je sais pas, là, je comprends pas c'est quoi faut que je fasse. Je me promène, puis je ramasse des affaires. Ah, les scrolls, tu peux les lire avec Select. Ah, OK. Ça va te servir à quelque chose? Ben, faut que tu te rappelles des scrolls, parce que, ben, qui te pose des questions, ça va être... Ah, ça m'intéresse pas vraiment de gagner. Celle-là, je la connais, par contre. Ouais, ça, c'est très connu. Ouais. Très, très, très connu. Ça, puis Barabbas dans Passion. C'est pas mal les deux affaires. Hein. Pourquoi Barabbas dans Passion? Ben, parce que c'est le meurtrier. Bon, ouais, mais OK, il est connu comme Barabbas, ouais, parce que tout le monde a voulu voter pour. C'est ça. Fait que Barabbas, lui, il peut dire « Moi, je suis plus populaire que Jésus ». Ouais, par exemple. Peut-être qu'il est aussi populaire que les Beatles. Il a tellement dû le dire, en plus. Hein. Mettons que quelqu'un dit « On est plus populaire que Jésus », là. Si t'es choqué, là, es-tu en train de donner de la puissance à ses propos? Ouais, tu viens de tout me mêler, là. Ouais. Faut pas que t'acknowledge ces affaires-là. Ouais, c'est ça. T'es mieux de les laisser aller. Exact. T'en as pas un autre, là? C'est comme Claude Dubois. L'émission va revenir de demain, finalement. Ouais. Ah ouais? Ouais. Qui ont réglé ça. Aïe! Claude Dubois qui a obtenu une injonction de la Cour supérieure du Québec pour pas que Canal V passe son émission de télé-réalité. Parce qu'il était pas content de l'image que ça lui donnait. Il avait pas compris ça. De même, lui, que des caméras dans sa maison tout le temps, ça allait le montrer tel qu'il était. C'est-à-dire en mère et violent ou bon père de famille et... Ah, c'est ça qu'on sait pas. C'est ça qu'on saura pas. C'est un rigolo équilibre des deux. Ah, oui. Un père violent. Il passe sa journée à se crosser. Hey, Étienne, je conclue mon spécial dance. C'était moi qui suivais, ça ressemblerait à ça. Une solide pour terminer. Ah, oh, wesh. Ouais. Four non-blondes. Ça a déjà été mon... Ah ouais, avec la boute. Il y a beaucoup de hits pour Four non-blondes, quand même. Ah ouais. Un demi. Le best-of, là. Un demi. Le best-of, c'est un single. En fait, il n'y aurait pas deux albums. Alors ça, c'est évidemment What's Up, entre parenthèses, Dance Version 1997. Mm. Ce qui prévoyait c'est déjà vraiment en faire démoniaque, année. Man. Ouais. Ben, il pourrait-tu sortir un Greatest Hits de Four Non-Blondes? Ben, pourrait pas. Ce serait comme un Greatest Hits après un album. Ouais, c'est ça. C'est pas... Ah, il y a juste un album. Il y a juste Survivor qui a le droit de faire ça. Ouais. Je pense que Dirty Bastard, il y en a un après deux albums. Ouais, c'est ça. Je pensais que, moi, je pensais que le minimum, c'est deux. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais que Silverchair, on avait fait un après trois albums. Ouais. Humblement, ouais. La demande était là. Ils ont écouté leurs nombreux fans. Ouais. Les Silverchair, qui sont un groupe d'Australie. Un groupe d'Australie qui n'est pas Nirvana. N'oubliez pas de taper reggae et grunge. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter à douteux.org. Douteux.org. Ou de nous écrire à 70% à gmail.com. Mais n'oubliez pas d'aller voter pour les incendiaires à Palmarès, ça nous est... N'oubliez pas d'aller vous joindre à la page de Bac et Bottine. Mais seulement si vous aimez beaucoup, beaucoup Bac et Bottine. Beaucoup de choses à faire cette semaine. Ouais. N'oubliez surtout pas que Jésus d'aimer son prochain, dans le fond. Ça je suis pour. Moi, je suis pour. Ça dépend si c'est beau, que ce soit n'importe qui de prochain, pas trop bien. Aïe, c'est si pire. Mais attends, un autre. J'avais dit je concluais avec ça. Alors, mais là, au début. C'est en jouet, là, tout le monde est là. En passant, Israël, j'ai un message de la part de Lilian Schutt qui fait dire que lui, sa chronique préférée, c'est la mienne. Fait que... Ah! Ben, c'est ça. Tu sais, Israël, pourquoi? Tu veux dire à Julien? Ben, c'est plus à moi que ça s'adresse. Ben, ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais attends, gars. Ben, je pense que c'est parce qu'il... C'est parce que, tu sais, il était jaloux, il aimerait ça que je l'aime, des fois. Non, je pense que Lilian, oh, ben, il aime pas ça que tu me traites comme ça. J'en ai vraiment plein la reine. Non, un autre! Pas d'invité! Je ferme ça. Mets un autre titre de Forlorn Blonde, simplement. Je peux plus. J'ai plus ça. Tommy, s'il te plaît, Tommy, comment? Tommy Bayonne, DJ. Alors, c'est quoi la liberté? Tu y repars, là. Toi. Ah ouais! Yeah, nice. On danse! Une victoire pour la démocratie, man. Vas-y. danser sur la table du studio. Personne ne peut m'arrêter. Attention pour pas arracher les tuiles du plafond. Encore une fois. Non. Hey, ça, sérieux, ce tonne-là, là. What's going on? On va clubber! En direct des studios de Choc FM, DJ George aux tables tournantes. Vous l'avez demandé! Hey, répétez une nouvelle, lui, non, il restait plus! Okay, on danse! On danse! Il veut chanter! Encore une fois, on est au début! C'est vrai. Mais là, à la fin, puis au début! Je l'avais dit dès le début que ça serait pas facile cette semaine. Vous aviez le choix de vous en aller à ce moment-là. C'est ça, moi. C'est ma dernière. Bon, ben, on se dit bye-bye puis on laisse la tour rouler jusqu'à la fin. Non, on va mettre des bouts du film, moi. Aïe, sérieux. Mets des bouts dansants du film. Mais... C'est parti à la maison chez les gens présentement. Ouais. Ça a l'air que tu mets Juge Dredd en même temps de ces tunes-là, tu vois quelque chose. Ouais, c'est comme le magicien d'Oz. Ouais, puis Dark Side of the Moon, c'est un peu de... En fait, faut que tu mettes la tune à répétition du début à la fin, que ça fit exactement. Ouais. Des fois, faut que tu repartes. Chaque cri fit avec une balle, tu sais. Ouais, j'ai lu sur crack.com qu'il disait que c'était vraiment comme un ramassis de plein de Q-down. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je l'ai lu. Ils disent que si tu mets la TV, pas de volume avec la musique, tu vas trouver de quoi qui fit à un moment donné. C'est ouais, ça. C'est ça, tu sais. C'est les gars de Pink Floyd qui disent ça. Fait que Walt Disney a pas commenté parce qu'il était mort. il est congelé. Hey, le magicien d'Oz, c'est pas Walt Disney. Non, c'est MGM en fait. Ah ouais? MGM, ouais, le lion. C'est tout pareil. Mais MGM a pas commenté parce qu'il était mort. Qu'est-ce? Metro Goldwyn Mayer. Ouais, voilà, c'est des frères, ça. Tous morts. Hey, je suis vraiment tanné d'entendre des Four Noirs. Je peux-tu l'enlever, là? Non, mais là, au début, une dernière fois. Bruno. Hein? Je peux-tu enlever les Four Noirs blondes? Au début, une dernière fois. OK, on... Étienne? Dernière fois! Yeah! Yeah! Yeah! Quand me demande de jouer, c'était Tommy Godet à la console pour 70%. Israël Trudel-Denis, merci. Ricky! Bruno. Étienne, va donc chanter. J'y vais de sa part. Julien, merci bien gros d'être passé. Ouais. Je vous laisse avec la séquence de la loi. Là, c'est à la fin. Là, le méchant Santé, il explique son plan. On peut créer toute une race de conformistes tarés au cerveau passé à la blinette et les nommer juges. Ou alors on peut créer des gens aux idées larges. Et les nommer humains. Humains. Tu n'as jamais eu le contrôle de ta vie. Comment peux-tu croire que tu saurais contrôler ces choses? C'est toi qui contrôleras tout. Tu dirigeras le Haut Conseil. À toi de choisir. Mais choisis vite. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Personne. J'ai jamais pu comprendre pourquoi tu m'as jugé. Pourquoi tu m'as jugé? Tu as tué des non-coupables. Pour prendre le pouvoir. Tu as causé un massacre. J'ai lancé une révolution. Tu as trahi la loi. La loi. Ce que j'ai trahi, c'est ça. faux conseils et ces manipulations qui ont échoué. Regarde-toi. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Et tu parles de trahison. Tu vas arrêter de mener cette vie d'esclave. Deviens un homme. C'est ça ton patrimoine, ta famille. C'est moi, ta famille. Tu n'en as jamais eu aucune autre. Tu dois choisir. Le mieux que tu aies à faire, c'est de me tuer. Pourquoi ? Parce que c'est ta seule chance. Mon frère. Fido ! Arrache les bras et les jambes de cette bouffe. Et n'abîme pas sa tête pour mon frère. Arrête ! Stop ! Arrache plutôt sa tête à lui et donne-la à la fille.